Salut à tous, salut à toutes, vous écoutez Non Essentiel, votre émission hebdomadaire culturelle. Et cette semaine encore, on va vous présenter trois sujets, puis avoir une petite discussion avec mes invités que j'ai en face de moi. Je suis très content de les avoir ici aujourd'hui. J'ai d'abord Bichente Ribarin qui est déjà venu, salut. Bonjour Mathilde. Ça va? Mais très bien, très content d'être là de nouveau. Alors, la dernière fois, tu nous as présenté le rock radical basque. Exactement. Et cette fois, tu pars sur un autre sujet quand même. Ouais, mais là, je vais vous parler d'un livre de 150 pages qui est écrit assez gros. Qui est écrit assez gros, donc ça va lui assez vite, tu veux dire. Non, mais j'aime bien cette présentation de comme au collège. C'était ma première question au collège. Tu l'avais prévu, celle-là. Exactement. Et à côté de toi, on a Sébastien Patsnogues. Ça va? Bien, et toi? Ça va très très bien, merci. Et toi, musique? Ouais, musique. Je vais vous parler d'un album de rock français aujourd'hui. Un album de rock français. Et moi, je vais vous parler d'une chaîne YouTube. D'ailleurs, c'est moi qui ai commencé. Donc, on est sur Non Essentiel, sur Radio No Culture. C'est parti. Non Essentiel. La valeur ajoutée de la culture, c'est cette fois l'industrie automobile. Du fromage. Non Essentiel. Du jambon. On traverse un désastre, Nicolas. Coronavirus. J'aime Renaud sur certaines chansons. Connard de virus. Seb, c'est la première fois que tu viens, est-ce que t'as reconnu qui parle de Renaud? Non. Non, j'ai pas fait attention, j'avoue. Tu l'as, toi? Moi je l'ai, oui, mais je l'avais. Alors, le premier coup, tu m'as pas demandé, mais ouais. J'ai écouté l'émission de la semaine dernière et ouais. Je me disais, mais je l'ai, je savais. Alors mais Nadine Morano. Nadine Morano, bien sûr. Et par contre, je savais pas qu'elle parlait de Renault. Ouais, la question c'était Renault, l'affaire Carlos Ghosn. D'accord. Et elle, complètement à côté, qui répondait sur Renault, le chanteur. Ah, excellent. Voilà. Donc, un grand moment de télé. Une présentatrice qui ne savait pas quoi répondre, qui était un peu loquée. Bref, on est dans l'essentiel, on est là pour parler culture. Et moi, je vais commencer en vous parlant de YouTube, d'une chaîne YouTube qui parle, oui, de culture, puisqu'elle parle de jeux vidéo. Donc, c'est une chaîne qui s'appelle Game Next Door. Vous ne connaissez pas? Non, absolument pas. Absolument pas. Ça ne m'étonne pas, il n'y a que 68 000 abonnés, ce qui, bon, n'est pas dégueulasse, mais quand on voit un peu les YouTubeurs, c'est pas non plus énorme. La plus vieille vidéo que j'ai trouvée remonte à 2015, mais elle est déjà étiquetée comme la sixième de leur émission. Donc je ne sais pas s'ils ont viré les cinq premières, peut-être qu'ils avaient un peu honte, j'en sais rien. Mais la sixième est déjà assez propre, il y a le son un peu qui est un peu lointain, qu'ils ont retravaillé, mais le format est déjà là et c'est assez cool. Donc là, ça parle de jeux vidéo que... Comme certains, je considère personnellement comme un art, comme le dixième art exactement. Mais je dois avouer que c'est un art auquel j'y connais absolument que dalle, parce que ben voilà, moi je joue à Mario et à Doom, qui sont deux excellents jeux, mais qui sont quand même des gros blockbusters, des blockbusters qu'on appelle des triple A dans le monde du jeu vidéo. Ah, ça correspond à quoi? J'en ai aucune idée. D'accord. Des comme les piles. Comme les piles triple A, exactement. Ou comme il y a un truc aussi, je crois les États sont notés en A. La France avait perdu son triple A. Ah oui, ah oui, exact. Ouais. Bon, je sais pas s'il y a une corrélation entre les deux, peut-être. Donc voilà, Doom, Mario, qui sont en gros les équivalents vidéoludiques de Godzilla ou d'un bon gros Batman. C'est très sympa, bon, ça reste des gros blockbusters qui n'ont pas forcément grand-chose à proposer, si Batman, quand même, le très jeune de Nolan est quand même une de mes préférées. Mais bon, comme il existe plein de façons de voir le cinéma, il existe aussi plein de façons de réfléchir le jeu vidéo, et c'est là tout le propos de Game Next Door. Ils ont un format assez classique, c'est, bon, c'est une voix off sur des images d'illustration et un peu de facecam de temps en temps, quelques petites blagues... Vite fait, quoi. Tu sens que c'est pas leur fort les blagues et tu sens qu'ils ont compris, donc bon, voilà, c'est plus une bonne ambiance que vraiment un truc où tu rigoles vraiment. Mais bon, quand même, l'intérêt de ces chaînes, c'est les questionnements qu'elles proposent, parce que justement, en fait, c'est pas vraiment de la présentation de jeux vidéo, c'est plus des réflexions autour des sujets du jeu vidéo, comme à quoi sert la difficulté dans un jeu vidéo, pourquoi, comment on fait un open world. Open world, vous voyez ce que c'est, le concept d'un open world, c'est-à-dire un immense monde ouvert où tu peux te balader comme dans un GTA, un Skyrim. Ouais, Red Dead Redemption. Voilà, par exemple, voilà, la plupart des jeux depuis les années 2010. Et même ils vont jusqu'à poser la question du est-ce que le jeu vidéo doit d'être amusant, autrement dit le jeu vidéo doit-il se contenter d'être un jeu finalement. Est-ce qu'on doit considérer un jeu vidéo comme amusant pour que ce soit un jeu vidéo, ou est-ce qu'il y a d'autres façons d'aborder le sujet. Donc voilà, Hugo, le présentateur de la chaîne, commence souvent sa réflexion par le prisme du gameplay. Le gameplay, vous voyez ce que c'est? Oui. Donc c'est le système de jeu, pour ceux qui ne connaissent pas, donc toutes les mécaniques, toutes les règles qui font qu'un jeu est comme ça et pas autrement. Et donc il commence par ce prisme-là pour réfléchir un peu au sens du jeu. Et comme dans la littérature et le cinéma, ben, il y a des œuvres et des auteurs, alors pourquoi dans le jeu vidéo il n'y en aurait pas ? Et c'est à partir de ce genre de réflexion qu'il va commencer à se demander quel est le sens d'un jeu. Et donc je vous laisse un petit extrait là qui parle de Death Stranding. Est-ce que vous connaissez Death Stranding ? C'est un jeu de Hideo Kojima qui était extrêmement attendu, qui était présenté comme un peu comme une révolution du jeu vidéo et qui a beaucoup divisé parce que justement il propose un truc qui n'est pas forcément ultra amusant. D'accord. Et il propose quelque chose de finalement assez différent d'un jeu vidéo. Ils ont un peu cassé les codes. Ils ont carrément cassé les codes, mais en même temps, exactement comme quand tu regardes un film dramatique, t'es pas là pour t'amuser, quoi. Ouais. C'est un peu ça l'idée. Donc, on peut parler de Death Stranding parce que c'est un gros blockbuster qui propose des choses différentes. Il y en a des centaines d'autres, mais beaucoup plus petits. Et donc, il nous livre cette petite réflexion. Death Stranding est un jeu viscéralement laborieux et routinier. La masse des colis qu'on transporte, les distances qu'on doit couvrir, les obstacles qu'on doit surmonter, c'est un titre qui nous demande de subir, d'endurer, de porter le fardeau de l'humanité sur nos épaules. Et ça se ressent très concrètement dans nos doigts à chaque instant. Mais en même temps, c'est un jeu qui nous répète constamment cette phrase Keep on keeping on. Littéralement, continue à continuer, et dans le fond, c'est ne lâche rien, tiens bon et reste focalisé sur la tâche à accomplir. C'est évidemment un encouragement bienvenu, mais je crois aussi que c'est une façon de nous rappeler qu'on peut trouver justement du plaisir et du sens dans l'expérimentation de cette routine, surtout au milieu d'un monde absurde où tout nous dépasse. Et ça, personnellement, c'est une philosophie qui me parle beaucoup et que j'avais déjà trouvé dans un autre médium, la littérature, avec le mythe de Sisyphe de Camus. Cette idée de célébrer l'acte, de trouver du sens dans l'accomplissement du devoir plutôt que dans le devoir lui-même, c'est ce que nous expliquait Camus dans son essai pour nous aider à trouver une raison de vivre dans un monde où rien n'a de sens. Pour moi, le jeu de Kojima nous dit peu ou prou la même chose, mais il nous le raconte par l'interaction et par des moyens purement vidéoludiques. Par ces moments de concentration et de contemplation qu'il nous fait vivre pendant nos nombreuses traversées dans son monde allégorique. Et je disais que ça me parle beaucoup parce que mon taf est aussi un peu rythmé par des cycles routiniers. Vous ne voyez que le résultat, et c'est certainement ce qui a le plus de sens à vos yeux, mais moi j'essaie de m'épanouir dans le travail quotidien, dans l'éprouvement du texte, dans le plaisir d'écrire, plutôt que dans les sorties de vidéos qui sont des moments un peu irréels où l'endorphine monte aussi vite qu'elle redescend. Et certes, ça va peut-être pas chercher bien loin de dire qu'il faut apprendre à apprécier le moment présent, mais arriver à transmettre des trucs aussi essentiels par le jeu, moi je trouve ça super intéressant. Et moi aussi je trouve ça quand même vachement intéressant de réussir à finalement faire comprendre des messages par le jeu, non plus par les cinématiques comme font la plupart des trucs qui finalement n'est que du cinéma avec des phases de jeu au milieu. Ouais. Et donc voilà, la chaîne est vachement intéressante parce qu'elle présente aussi beaucoup de jeux très différents, surtout des jeux indépendants qui seraient l'équivalent des jeux d'auteur, enfin des films d'auteur. Mmh. Donc on appelle ça des jeux indépendants dans le jeu vidéo, enfin généralement. Et du coup, il présente beaucoup de jeux très différents qui parfois vont à la limite du jeu vidéo. Il y avait un jeu, alors j'ai plus le nom, où on doit juste découvrir une histoire. Mais sauf qu'il n'y a quasiment pas de gameplay. On est dans une maison, mais on peut juste bouger. Il n'y a pas de saut, il n'y a pas d'énigme, il n'y a pas de je sais pas quoi. Et finalement, le jeu nous raconte une histoire, mais pas comme un film le fait, quoi. C'est à nous de découvrir exactement ce genre de truc. Et donc, cette chaîne, Game Next Door, va présenter plein de jeux comme ça, va réfléchir au médium du jeu vidéo. Et ça me fait du coup beaucoup penser à de l'analyse de cinéma plutôt profond, comme le Fossoyeur de films, que vous connaissez peut-être, ouais. Ou Karim Debbache, que c'est peut-être moins. Ouais, non, ouais. Pour moi, et le plus grand Karim Debbache, c'est le meilleur vidéaste de toute la plateforme de YouTube. Bon, en clair, ça fait un peu prendre conscience que le jeu vidéo peut être profond si on prend un peu la peine de chercher du sens, de découvrir des jeux indépendants qui essaient de casser les codes, qui essaient de voir autrement comment on peut jouer et où parfois jouer perd tout son sens, où c'est juste une expérience finalement, mais ça reste dans la catégorie jeu vidéo. Du coup, voilà, c'est assez intéressant. Vous jouez à des jeux vidéo, vous ? Plus trop ces temps-ci, mais ça m'est arrivé, ouais. C'était quoi, plutôt blockbuster aussi ? Ouais, bah c'était les Halo sur Xbox, ouais. Gros fan de Halo, mais après ça pouvait varier, j'aimais bien les MMORPG aussi. Ouais, toujours à quoi ? qu'est-ce que j'ai joué à World of Warcraft pendant un temps, et après il y avait quoi, Age of Empires aussi, et là dernièrement un jeu qui t'as sur mobile, tablette et ordi aussi, Genshin Impact. Oui, pardon, ils font tous la pub sur YouTube. Hein. Voilà, et bah écoute, agréable surprise, c'est un petit jeu coréen et qui envoie bien du steak. Le seul inconvénient que je lui trouve, c'est que en fait il se développe, il évolue au fil du temps. Et toi, si t'es un gros geek de gamer, bah, tu peux te retrouver vite à avoir terminé le chapitre en cours. Mm-hmm. Et du coup, t'es obligé d'attendre la suite. J'ai un pote, ça fait 9 mois qu'il a terminé, il attend le prochain chapitre. Donc voilà. T'as Michente, t'étais sur Xbox, je crois, un peu. Ouais, mais alors moi, c'est surtout les sports. Toi, c'est FIFA Call of, quoi. Non, Call of, pas du tout. Pas du tout Call of. Non, moi, c'est FIFA et Pro Cycling Manager. Alors, Pro Cycling Manager, c'est quoi, c'est, tu fais du cyclisme. D'accord. Voilà. Tu fais des cyclismes. Ils ont fait un jeu là-dessus. Manages une équipe de cyclisme, en fait. Alors, tu choisis un coureur, soit tu choisis toute l'équipe, soit tu crées ton coureur, comme dans FIFA, en fait. Un coureur, c'est déjà pas mal, parce que c'est assez complet comme jeu. C'est un peu comme Football Manager, c'est l'équivalent de Football Manager, mais d'accord, au cyclisme. Du coup, c'est pas mal. On va rester là pour cette chaîne YouTube. Je vous rappelle le nom, c'est Game Next Door. Il y a quasiment 70 000 abonnés. Moi, j'ai été vraiment très étonné par la qualité du contenu. Il y a vraiment des réflexions extrêmement intéressantes et qui, du coup, font voir un peu le jeu vidéo différemment, enfin, sous beaucoup d'autres angles. Voilà, je vous laisse sur ça et puis on va enchaîner. Du fromage, du jambon, des choses très concrètes. Et pour cette deuxième partie, on va partir du côté littéraire avec toi, Bichente, puisque tu vas nous parler d'un bouquin qui s'appelle... Exactement, qui s'appelle « Pensées provoques et autres volutes ». Donc c'est écrit par Serge Gainsbourg, mais c'est, si vous voulez, c'est une compilation d'interviews télévisées, aussi des extraits de ses chansons qui sont écrits, et du coup qui sont compilés dans tout le livre, et donc c'est pas mal. Donc il a écrit que c'est écrit par Serge Gainsbourg, mais c'est pas consciemment lui qui l'a fait, quoi. Non, on a compilé ses idées, ses écrits, donc c'est pas mal pour ses 30 ans, les 30 ans de sa mort, voilà. D'accord. Parce que ça fait 30 ans qu'il est mort. Cette année-là ? Ouais, cette année, le 2 mars. 30 ans, ça fait quoi ? Ça fait 81 ? 91. Oui, je suis bête. Oui, Mathilde, tu n'as pas 20 ans. Oui, c'est vrai, je n'ai pas 20 ans. Zut. Donc, voilà, c'est un livre qui est... Donc, si on aime Gainsbourg, donc que ce soit le personnage Gainsbourg un peu controversé ou... Un peu, oui, un petit peu. Un petit beaucoup. ou ses chansons, c'est un livre qu'il faut lire. Et je pense que si on aime bien, on aura le sourire en le lisant, parce qu'il y a quand même beaucoup d'humour dedans. Ouais. Si on n'aime pas Gainsbourg, je pense qu'on aura de quoi à le détester encore plus. D'accord. Parce que c'est Gainsbourg, quoi. Il fait pas à moitié. C'est vrai. Ouais, c'est t'aimes ou t'aimes pas, quoi. Voilà. C'est quelqu'un de très clivant. Ouais. C'est quand même sa marque de fabrique, on va dire. Vrai. Et puis il savait aussi l'entretenir bien comme il faut, je pense que. Mais est-ce que c'était vraiment voulu de faire la provoque, ou c'était juste Oui. comme ça? Oui, oui. C'était réfléchi, tu crois? Ah oui, oui. Vous allez voir dans quelques extraits que je veux lire, mais oui, c'était réfléchi, c'est quelque chose qu'il entretenait, et ça lui allait bien, cette image, je pense. Voilà. Non, mais après, le livre est surtout très drôle, je trouve, parce que il avait beaucoup d'humour. Rien que le tout début du livre, il y a quelques extraits où... parce que Gainsbourg était juif, et du coup, il parle du judaïsme... avec humour. Par exemple, il dit « J'ai grandi sous une bonne étoile jaune. » Voilà. Et il y en a une autre que... d'accord, ok. Voilà. Pour Godwin direct, quoi. Ouais, bravo, comme mort. Très bien. Et après, il y en a une autre que j'aime bien. « Qui a coulé le Titanic ?» Iceberg, encore un juif. Donc voilà, il rigole donc de son journalisme, j'aime bien, parce que tout le livre est assez drôle. On retrouve toujours Gainsbourg... assez provoque, mais assez drôle pour ça. Après, on retrouve aussi, si vous voulez, de l'humour, mais des côtés de Gainsbourg qu'on connaît moins, des côtés un peu plus fragiles, où il parle de ce qu'il a mal vécu dans sa vie. Par exemple, sa laideur, je sais qu'il, dans son livre, il en parle beaucoup. Ouais. Il se trouvait moche, et par exemple, il dit « Ma mère était belle, mon père aussi. Je ne vois donc pas d'où peut venir ma laideur, peut-être de mon chien. » D'accord. Je sais pas ce que vous en pensez. Ouais, on va laisser ça à la réflexion de tout un chacun. Ouais. Oui. Mais du coup, c'est assez drôle. C'est... Pourtant, malgré sa laideur, ça a été un homme à femme, quoi. Exactement. C'est quelque chose. Ça a été un homme à femme, mais et donc du coup, dans son livre aussi, il y a beaucoup de choses sur les femmes, donc qui sont souvent assez misogynes, on va dire. Oh non. Parce qu'il en parle. Gainsbourg misogyne, non. Je ne peux y croire. Il en parle assez crûment, ouais. Je vous lis un petit extrait. Les femmes, au fond et au fion, adorent les misogynes. Cette finesse, hop, ça s'est fait. Je trouve que la finesse de Gainsbourg sur ce coup-là est assez. Est assez quand même cool. Cool, oh, j'ai pas dit cool, moi. Cool, ouais. Bon, moi j'aime bien. Ça me fait rire. Et puis, justement, dans ce livre, il y a d'autres. En lisant beaucoup de choses, ça atténue un peu. Ce qu'on peut en retirer comme ça de quelques extraits, parce qu'on se rend compte qu'il n'y a pas que ça, il y a plein de choses derrière, il y a des nuances, et puis des fois il parle d'une femme qui dit qu'il est misogyne avec les femmes, mais il n'y en a qu'une avec qui il n'est pas misogyne, parce que voilà, il tombe amoureux, donc des fois il y a des nuances, c'est voilà, après si on n'aime pas, on n'aime pas, hein, Gainsbourg, c'est pas ce livre qui va le faire aimer Gainsbourg, mais bon. Après, quand tu parlais de provocation, c'est vrai que bon, il provoque beaucoup, mais il en parle et il explique un petit peu pourquoi il est comme ça. Par exemple, il dit « La provocation est une cuirasse, la solitude une cotte de maille, me voilà bien protégé. » Voilà. Parce que Gainsbourg, c'était quelqu'un de solitaire et on sent qu'il a souffert de ça, qu'il a énormément souffert de cette solitude. Donc voilà, il en parle et il essaie de aussi. Je pense que dans ce livre, on voit un peu la psychanalyse un peu de Gainsbourg. Psychanalyse ? Ouais. On voit. Psychologie ? Non, là, on fait sa psychanalyse un petit peu. On voit un peu plus dans Gainsbourg, si tu veux. D'accord. On voit ce qu'il pense un peu plus. En tout cas, pour ma part. Après, il parle aussi beaucoup de musique quand même dans son livre. Oui, c'est son métier. Ouais. Oui, son métier. Sa vie même. Et toujours. Toujours avec un petit peu de provoque. Il y a un extrait qui m'a beaucoup plu, je pense qu'il va vous plaire aussi. Donc c'est « Les Français ignorent tout de la rythmique, de la musique et des mots. Nos auteurs interprètent rive gauche, écrivent encore en alexandrin sur des petites musiques désuètes du genre valse ou one step, composées à la guitare, ce qui donne un rythme sans originalité. Le jour où l'un d'eux saura composer de façon un peu plus complexe et découper sans régularité les phrases et les syllabes, je serai menacé dans ma spécialité. » Bah, Jules. Pourquoi Jules? Je sais pas, on parlait de Jules juste avant, voilà, ça fait penser à lui. Non, mais c'est vrai, il y a plein les chanteurs. Moi, ça me fait penser que les chanteurs à texte, ils essaient pas de faire original. En fait, ils pourraient très bien faire du texte et faire de la musique aussi derrière, mais on dirait qu'ils ont pas cette envie d'écrire, alors que Gainsbourg avait un petit peu ces mélodies, si tu veux, qui... En même temps, je trouve ça toujours un peu étrange de parler de chansons à texte. Si tu fais une chanson à texte, fais de la poésie. Si ça t'emmerde de faire de la musique au bout d'un moment, ça rend la musique un peu secondaire dans la musique. Je trouve ça un peu étrange. Non. C'est le but. Après, c'est un genre, voilà, ça existe. Et puis, non, mais... t'aimes pas, mais ouais, c'est l'idée, en fait, c'est que tu fais un texte et tu l'enjolis avec un peu de musique, quoi. Voilà. Mais justement, Gainsbourg, je trouve qu'il arrive à être musical et ne pas avoir que du texte. Il y a des chansons où il y a moins de texte que les chanteurs qu'on va dire à texte, si tu veux. Mais il y a de la musicalité derrière. Et non, mais il explique aussi, il explique que lui, il essaie de rechercher cette musicalité-là. Oui, et puis il ne s'est jamais contenté de faire la même chose. Il était toujours allé chercher des nouveaux sons, des nouveaux rythmes. Ouais, et clairement, il est allé le jour où il nous a surpris avec le reggae, à venir nous caler à sucer aux armes, etc. C'est tombé de nulle part. Quoi. Oui. Et puis c'était extraordinaire, c'était génial. Ouais. Donc il ne s'est jamais contenté de rester sur du plan-plan, ce qu'il savait gérer. Il allait chercher toujours du nouveau pour... passer toujours une étape supérieure, c'était génial. Moi, je pense, c'est mon opinion perso, mais qu'il a, au niveau de la musique, de la chanson française, il a révolutionné pas mal les choses. Oui, et puis il a fait le lien entre les anciennes et les nouvelles générations, pense. Ça a été quelqu'un qui a chanté des chansons un peu comme les anciens, comme passant à la javanaise, ou comme ça. Et puis après, il est passé sur. Quand il fait de la provoque aussi, mais avec Limon Incest ou des chansons comme ça, il y a quand même de la musicalité, même ou Bonnie and Clyde, voilà, il y a de la musicalité, et ça fait plus nouvelle génération. Et il en parle justement parce que dans ce livre, par exemple, moi, ça a été le premier à faire à faire de l'anglicisme dans les chansons. Ouais. Et il dit « Comment voulez-vous que je traduise « rock around the bunker » ?» Dansant autour de la casemate, ça swing beaucoup, ça swing pas des masses. Moi, j'aime bien. Ben oui. Aujourd'hui, ça pourrait passer. Ouais. Qu'est-ce qu'il faisait ? Il était pianiste, lui, à la base. Non ouais, ouais, il était pianiste. Ouais. Il était pianiste. Mais non, mais c'est quelqu'un qui a beaucoup écrit. Et quand tu disais qu'il a fait, à la qu'il a fait des, du reggae... Voilà, quand il a sorti cet album, il y a une phrase bon, que je ne comptais pas dire, mais qui m'a fait beaucoup rire aussi. Allez, vas-y. Qui est quand ça va sortir, ça ne va pas faire grincer des dents, ça va faire grincer des dentiers. Et je trouvais ça assez drôle, ouais, parce que c'est vrai que souvent, c'est les vieux qui critiquent les nouvelles générations. Et donc, du coup, voilà, c'était pour ça. Et après, il y a aussi un peu de tout dans ce livre. Ouais. Je vous en ai juste. Sorti une du lot qui m'a fait assez rire parce que voilà, c'est Gainsbourg comme on n'a pas l'habitude de voir. Il dit « L'an dernier, je me suis retrouvé face à Simone Veil dans un compartiment fumeur. Comme un petit garçon, j'ai été fumé dans le couloir. Oh. » Voilà. Impressionné par Simone Veil. Ben oui, mais c'est pour ça que... C'était un personnage, Simone Veil. Oui, hein. Gainsbourg aussi quand même. Ouais. Oui, mais c'est pour ça qu'on le voit toujours misogyne, un peu provoque et tout ça, mais il avait aussi un côté respectueux de certaines choses et il savait qui il respectait et qui ne respectait pas aussi, je pense. Et est-ce que, bon, je me pose la question, vu que c'est des citations, des extraits, etc., est-ce que c'est pas un peu, est-ce que ça reste pas dans la superficialité, ce bouquin ? Est-ce que vraiment on arrive à rentrer un peu plus dans la profondeur de Gainsbourg grâce à ça ? Oui. Sachant que c'est vraiment que des extraits, parfois sortis à la va-vite. Non, alors il y a des choses qu'on connaît déjà en fait dans le livre, parce que il y a des bouts de chansons où j'ai commencé à lire et j'ai fini en chantant la chanson Couleur Café par exemple, une partie. Voilà, je me suis dit au début je savais pas que ça allait être ça et au bout de deux lignes, hop, j'ai fini en chantant, du coup ça c'est sympa. Mais après il y a des choses que je connaissais moins et je pense qu'il y a des choses à découvrir sur Gainsbourg et puis c'est toujours mieux de découvrir comme ça sur ce qu'il a écrit, ce qu'il a dit vraiment lui, sans passer par quelqu'un qui va peut-être un petit peu travestir ses propos, interpréter. Des fois il y a des reportages comme ça qui se disent oui, Gainsbourg il était comme ça parce qu'il a dit ça, mais en fait il y a déjà une interprétation de la personne qui et toi-même tu vas réinterpréter là au moins. T'interprètes ce que tu veux de ce qu'il a dit et c'est ça que j'aime bien dans ces livres. Oui, par les extraits choisis aussi, on oriente un peu. Aussi, oui, on oriente un peu, mais au moins il y a pas d'interprétation avant de ce qu'il dit. Le seul petit défaut du livre, c'est que on sait pas d'où viennent les extraits. D'accord. On sait qu'il y a un peu de tout. Mais voilà, c'est écrit et on ne sait pas si c'est une chanson. Alors les interviews, on les voit parce qu'il y a écrit journaliste et après. Ah d'accord. Mais après, on ne sait pas si c'est quelque chose qu'il a écrit parce qu'il y a aussi des passages de films, je crois, dedans. Et donc du coup. Le film, il a été acteur, Gainsbourg. Alors il a fait des films, je crois. Hein. Il a réalisé, tu vois. Alors, je crois. Où il a joué. Ouais, je crois qu'il a fait un film très très controversé aussi. Ouais. Charlotte Forever, il a fait pour sa fille. Mais ça, c'est. Alors je ne sais pas si c'est l'album. Alors je ne sais plus. Sincèrement, je ne sais plus. Bon. Voilà. Et bon, donc voilà. Mais je vous conseille énormément ce livre si vous aimez Gainsbourg. Et si vous n'aimez pas et que vous avez envie de découvrir de Gainsbourg, c'est une bonne façon, en écoutant un bon album de Gainsbourg, de lire le livre en même temps. Je pense que c'est assez cool. D'accord. Et pour finir, vous avez envie, j'ai envie de vous proposer un petit jeu. Bon, j'attendais que ça depuis le début de l'émission. Un petit jeu. Je vais vous dire des citations. Ouais. Et il faudrait que vous me disiez si c'est Gainsbourg ou pas qui a dit cette phrase. D'accord. On commence ? Allez, vas-y. Allez. Bon, ben la première, alors, c'est « J'avais une maison au bord de la mer, mais pour aller à la plage, il fallait passer devant un bar. Je n'ai jamais vu la mer. » Ah, attends, j'ai entendu ça. Ça peut être lui, je pense. Je sais pas, c'est Gainsbourg ou Renaud, un truc comme ça. C'est peut-être Renaud qui a dit ça. Ah ouais ? Alors, il me faudrait une réponse. Oui, non, chacun. Ah, je sais, j'ai déjà entendu ça, je sais plus si c'est lui. Je dirais non. Non ? Ouais, maintenant qu'il a parlé de Renaud, il y a moyen que ça soit pas lui en fait. Ouais. Donc les deux noms. Ouais, les deux noms. Ouais. Eh bien, ce n'est pas Gainsbourg. Yes. Mais ce n'est absolument pas Renaud non plus. C'est qui ? C'est Georges Best. C'est un joueur de foot ? Un joueur de foot. Oui, voilà. J'ai un joueur de foot des années 60, voilà, qui était un peu alcoolique sur les bords, mais qui a des citations merveilleuses. Je vous conseille d'aller les voir. D'accord. Ensuite, donc un partout. Pour que les deux, vous marquez un petit point, vu que vous aviez raison. Une autre, donc le snobisme, c'est une bulle de champagne qui hésite entre le ro et le p. Oui, ça lui ressemble ça. Ah ouais, ça peut être lui, ça, oui, carrément. Oui, moi je dis oui. Ouais, bon. Je dis oui et bien les deux, vous avez raison, voilà. C'est exactement Gainsbourg. J'adore parce qu'il est. Vous pouvez jouer aussi à la maison, vous prenez un petit papier et puis vous notez, ouais, évidemment. Ouais. Ouais. J'aime bien la finesse d'esprit quand même, elle, putain. Ouais. Oui. Si c'est pas très fin, filmé à l'homme. Mais... mais c'est ça un peu, il y a de la finesse d'écriture plus que d'esprit. Mais il arrive à être lourd en écrivant bien. C'est ça qui est. Une qualité que j'aimerais bien avoir. Ça m'étonne pas de toi, ça. Alors, autre phrase. Les femmes raffolent des imposteurs parce qu'ils savent embellir la réalité. Ouais, ça lui ressemble assez, je trouve. Ouais. Oui. Genre le truc qui s'applique à lui-même. Eh bien, c'est pas Gainsbourg. Ah, merde. Mais c'est quelqu'un qui me fait penser quand même à Gainsbourg. C'est Charles Bukowski. Bukowski, oula. D'accord. Je connais pas du tout Bukowski, je dois bien avouer. Ouais. Ben, je conseille ses livres, c'est pas mal aussi. J'aime beaucoup les ennuis. Ce sont bien les seules choses qui ne se prennent pas au sérieux. Du coup, je doute. Vas-y, Seb, à ton avis. Tu peux nous relire ? J'aime beaucoup les ennuis. Ce sont bien les seules choses qui ne se prennent pas au sérieux. Ouais, moi je dirais ça. Ouais, je vais dire non, tu vois, pour changer un peu. Ouais. Pour départager. Moi je dis oui. Eh bien, ce n'est pas lui. Yes ! Ah, c'est notre ami Oscar Wilde. C'est notre ami. Putain, il vient après en plus, c'est cool. Oui. Donc Matine prend l'avantage. Yes. 3-2 pour Matine. Allez. Mais ça va pas durer, ça va pas tout durer. Est possible. Un homme démaquillé est ambigu, alors qu'une femme démaquillée est confuse. Ouais, un peu misogynie, ça lui ressemble. C'est lui. Moi, je dis que c'est lui. C'est exactement lui. C'est exactement Gainsbourg. Ensuite, alors là, j'en ai une belle. C'est ça le problème avec l'alcool, songeais-je en me servant un verre. S'il se passe un truc moche, on boit pour essayer d'oublier. S'il se passe un truc chouette, on boit pour le fêter. Et s'il se passe rien, on boit pour qu'il se passe quelque chose. Non. C'est pas lui, ça. Non, je pense pas. C'est pas lui ? Non. Eh bien non, ce n'est pas lui. En plus, il y a le petit pensais-je en me servant un verre. Ouais. Ça veut dire qu'il aurait écrit un bouquin avec, en se mettant en scène. Oui, c'est vrai. Ça ne ressemble pas trop. Ouais. C'était Charles Bukowski aussi. Voilà. D'accord. Ensuite... Je suis toujours prêt à apprendre, bien que je n'aime pas toujours qu'on me donne des leçons. Non, moi je dis non. Ça, je dis oui. Tu dis oui ? Ouais. Eh bien, c'est encore Matine qui va prendre deux points d'avance. Deux points d'avance. Parce que c'est Winston Churchill. Ah, d'accord. Un homme à punchline aussi, Churchill. Ouais, alors je vous conseille ces citations à Churchill, c'est un régal. Elles sont fameuses, ouais. Ensuite, j'ai tout réussi sauf ma vie, alors parfois je me permets d'être con sciemment. Joli. Ouais, je dis oui. Ouais, oui aussi. Ouais. Eh bien, c'est lui. Yes. C'est lui. Donc, toujours deux points d'avance pour Matine. Il n'en reste pas beaucoup. Alors, une assez simple. Du champ, du brut, des vamps, des putes. Non. Ah, c'est pas lui, ça. C'est pas lui ? Non. Non ? Eh bien, c'est Gainsbourg. Ah, putain ! C'est Gainsbourg. Ah, je me suis trouvé trop vulgaire, trop... Ah ouais. Ça faisait trop rap. Il n'y a pas assez de jeux de mots, je vous disais. Ouais. Gainsbourg. Ensuite ? Ensuite, il en reste deux. Pour être... Donc, il y a deux points d'avance pour Matine. Donc, il faut que tu fasses la différence. Ouais, voilà. J'ai déjà gagné. Pour être populaire, il faut être médiocre. Ah, compliqué, ça. C'est compliqué, je pense pas. Moi, je dirais non. C'est difficile pour toi, Seb, là. Hein, si tu dis la même chose que moi, t'as perdu. Bah, c'est difficile parce qu'il n'était pas médiocre. Donc, du coup, dire ça... Ouais, je dirais c'est lui, ouais. Eh bien non, c'est Oscar Wilde. Donc, donc j'ai 3 points d'avance là. C'est ça ? Exactement, 3 points d'avance pour Mathieu. Ouais, bon, bah, jusqu'au bout. Bon, j'ai gagné quoi. Et donc, la dernière pour le jeu. Pour le fun. C'est la dernière, elle vaut 4 points. J'ai retiré plus de choses de l'alcool que l'alcool ne m'en a retiré. Ah, c'est Charles Bukowski aussi encore. Bon, allez, moi je vais dire oui, c'est histoire de. Ah, mais moi je dis non. Okay. Eh bien c'est non, mais c'est pas Bukowski et c'est encore Churchill. Ah, dommage, parce que j'aurais trouvé l'auteur. Pareil, je prenais 4 points d'un coup, je te rattrapais là. Et je te l'ai passé. Donc, 3 points dans, 2 points d'avance pour moi ? Non, 3. Non, ah non, 2, 2, oui, oui, j'ai fait la dernière. Pour moi, j'espère que vous avez joué à la maison. Remettez-vous le jeu depuis le début, si jamais. Pour faire batailler vos amis un peu, on est là pour s'amuser aussi. Et pour apprendre des choses. On va apprendre des choses. Gainsbourg ? C'est tout pour ce. Pour se lire, Michel Thé, tu nous rappelles le titre ? Ouais, alors, c'est Pensée provoque et autres volutes. D'accord, Pensée provoque et autres volutes, écrit par Serge Gainsbourg, enfin des extraits, mais c'est écrit par Serge Gainsbourg. Oui, voilà. Bichette, merci. Ben, merci à vous d'avoir participé à ce jeu. On va faire une petite pause avec Léon, qui est un petit groupe qui est en pause pour l'instant. J'attends qu'ils redémarrent pour écouter leurs nouvelles chansons, etc. Un groupe de Bilbo qui font du showgaze. C'est parti, Léon. We'll be right back. Léon avec la chanson Twice, c'est ce qu'on appelle du shoegaze. Est-ce que vous connaissez le mot shoegaze? Non, absolument pas. Espèce de truc un peu psyché, parce qu'en fait, shoegaze, ça vient du fait que quand ils jouent, ils regardent toujours leurs pieds et leurs 46 000 pédales pour faire leurs 1000 effets différents. Et du coup, ouais, parce que là, ils sont que trois, basse, batterie, guitare et à la basse au chant. Donc voilà, donc faut quand même un sacré paquet de pédales pour arriver à faire un truc comme ça. Et voilà, j'adore cette chanson. Ça s'appelle Léon, le groupe, et la chanson c'est Twice. Vous pouvez trouver ça facilement sur YouTube. Et on continue. Non essentiel. Discussion. J'aimerais parler avec vous de VOD, de Netflix, d'Amazon. Il y a quoi maintenant? Disney+. Qu'est-ce que j'oublie? Il y en a un paquet comme OCS, ça. HBO. OCS, HBO, nice. Salto maintenant, qui propose finalement truc français, qui propose des séries finalement assez étonnamment bien. Et t'as Pluto TV qui vient de débarquer, qui est complètement gratuit ouais. aussi. Voilà. Mais Pluto TV, c'est plus en mode chaîne de télé, c'est pas la demande. Ouais, mais c'est sur le même principe en fait. Donc c'est sur la même gamme que les Netflix et ouais. tout ça, donc c'est pour ça. Mais OCS aussi, du coup, c'est une ouais. chaîne qui. Est... Ouais, mais il y a aussi de la demande aussi. Comme Canal Plus. Ouais. Ouais. Donc j'ai parlé avec vous de consommation de contenu. Donc déjà les deux mots qui moi me hérissent un peu les poils quand on parle de cinéma et de série, quand on parle d'art en fait. J'aimerais savoir déjà comment est-ce que vous consommez vos séries, vos films, etc. Est-ce que c'est toujours la télé traditionnelle? Est-ce que c'est Netflix, Amazon, tout ça? Ben alors moi personnellement j'ai arrêté la télé il y a 10 ans, un peu plus de 10 ans maintenant. Ouais. Donc du coup maintenant c'est via les médias. Comment ça s'appelle, Amazon Prime, j'ai pris un abonnement ou ouais. d'autres choses comme ça. Et ça va être bah soit je suis une série qui sort petit à petit, donc sur la plateforme, tu as les épisodes qui sont petit à petit qui arrivent, bah comme on a regardé The Expanse sur Amazon Prime. Mm-hmm. Et excellente série. Voilà, les trois premiers épisodes sont sortis le premier jour, mais après, tu avais un épisode tous les mercredis, c'est ça. Je serai une par semaine. Voilà, mais sinon, quand il y a les séries complètes, bah, ça m'arrive de binge-watcher, parce qu'on va, mm-hmm. on va sortir le mot quand même, et de manger des épisodes d'affilée, je pense, ouais. on va regarder 2, 3, 4, comme c'est arrivé avec Game of Thrones par exemple. Ouais. Dès que la série était dispo, au lieu de regarder un épisode par épisode, pour éviter de me faire spoiler. Ouais, t'as attendu que toute la série sorte ouais, pour te mettre un coup. Voilà, j'avais viré tous mes réseaux sociaux qui parlaient de Game of Thrones. Donc tous, en fait. Voilà, et j'ai mangé la série en 2 jours, je crois. Ouais, voilà. Ah ouais. Voilà. Toi, biche. Mais moi, je suis en train de regarder Game of Thrones aussi. J'attends toujours on va éviter de spoiler, alors. J'attends souvent que les séries soient finies pour les regarder entières, à part ouais. celles que j'aime vraiment beaucoup. Peaky ouais. Blinders, par exemple. Peaky Blinders, ou là, récemment sur Snowfall, que j'aime beaucoup. Snowfall, je connais pas Snowfall. Snowfall, c'est très bien. D'accord. C'est très bien. Ouais, j'en ai entendu parler, ouais. ouais. Justement, le binge-watching dont on parlait, bon, j'aime bien faire ça aussi, passer une journée à mater la série, mais j'ai l'impression, j'ai cet effet que tout se passe trop vite. Oui. J'ai pas le temps, entre deux épisodes, de digérer déjà ce que je viens de regarder. Et du coup, j'ai l'impression que dans la série, tout se passe en 3 jours, quoi. Bah, c'est un peu le problème d'avoir accès à tous les médias maintenant d'un coup comme on veut, quoi. Alors qu'avant, quand on avait la télé, que c'était à la télé, ouais. bah, on n'avait pas le choix. Tu avais ton épisode, vous rappelez la trilogie du samedi soir ouais. sur M6, bah, voilà, tu avais ton épisode, bah, tu étais obligé d'attendre le samedi suivant pour avoir la suite. Mais du coup, j'ai l'impression que ça va vite. Il y a un peu plus d'implication, de ma part en tout cas, on parle des Expanse qui sortaient donc, une fois par semaine, j'ai vraiment l'impression qu'il se passe quelque chose. Entre le premier et le dernier épisode, qui se passe du temps, je veux dire, dans la série. Ouais. Il me semble que la saison 4, par exemple, ils avaient tout sorti en même temps. Ouais. Là, par contre, j'ai tout bouffé en un week-end et j'ai l'impression que tout s'est passé en 2 jours. Et du coup, j'ai l'impression que. Bah, tu profites pas. Qu'il se passe moins de choses dans la série, que j'ai moins d'implication dans. Pour les personnages, parce que j'ai l'impression qu'en fait, pour eux, c'est un après-midi et du coup, que c'est une toute petite partie de leur vie. Oui, ah, je vois ce que tu veux dire. Oui, l'histoire, elle file, t'as l'impression que ça ouais, s'enchaîne comme j'ai ça. J'ai l'impression que pour eux, il se passe vraiment que 2 jours aussi. Ouais, voilà, d'accord. Et ouais, ok, je vois. Et du coup, oui, c'est moins, on va dire, grandiose avec des grosses. Mais t'as pas le temps, du coup, d'analyser, comme tu dis, entre chaque épisode, de faire le bilan de ce que tu viens de voir, de capter des. Ah putain, ouais, c'est vrai, il y a eu tel détail, gna gna. Et puis, du coup, quand t'arrives à l'épisode suivant, bah, une semaine après, ouais. bah, là, c'est bon, t'es à fond, t'es à jour et tu as des attentes derrière ouais. puisque tu n'as pas forcément quand tu mais t'as pas le temps d'avoir des attentes en fait quand tu binge watch une série ouais. Bichette, que t'as pas cette impression là? Non, moi j'aime bien binge watcher, je trouve que c'est vachement mieux parce que quand tu regardes, quand t'attends des fois 1 an ou 2 ans entre les saisons ouais. et ben t'oublies un petit peu les t'oublies l'attachement que t'as pu avoir à certains personnages et du coup il y a des personnages qui changent complètement quand tu regardes tout d'un coup. Mmh. Quand tu regardes plusieurs saisons d'affilée, tu vois, ouais. tu te rends compte que des fois le changement de caractère des personnages ouais. D'une saison à l'autre, c'est assez hallucinant parce que t'as, en deux ans, t'as eu, ou un an, t'as pu oublier comment il était vraiment, mais quand tu regardes tout d'affilée, mais t'as l'impression qu'en deux épisodes, le mec, il a changé complètement de caractère et il a plus du tout les mêmes intentions. Justement, ça te dérange pas ce truc-là que, bah, que tout se passe trop vite, alors que entre les deux épisodes, c'est peut-être passé 6 mois, j'en sais rien. Sauf que nous, on les regarde d'affilée. Du coup, on n'a pas le temps d'appréhender le temps de la série, justement. Mais non, mais entre deux saisons, quand tu attends, justement, normalement, et que dans la série, c'est la suite exacte. La suite directe, oui. Et que tu vois qu'ils ont changé sans... D'accord. C'est le problème inverse, en fait. Il y a avantage et inconvénient, je trouve. Que quand tu binge-watch, tu peux voir l'évolution des personnages vraiment sans rien oublier, c'est cool. Et comme il disait, que dès que tu as une pause d'un an, par contre, là, tu peux oublier un peu les détails des personnages et quand tu retrouves, t'es un peu dans le flou. Inconvénient, c'est que du coup, tu manges tout, t'as pas vraiment le temps d'en profiter et puis de bien assimiler entre chaque épisode, tu vois. Et t'as mangé ça en 2 jours et puis t'es là après, je fais quoi. Et du coup, j'ai aussi cette impression que c'est vite mangé et vite oublié. Voilà, c'est ça. Et tu passes à autre chose. Et c'est aussi l'inconvénient, c'est que maintenant, du coup, tu manges des séries à l'appel, quoi. Ouais. Et alors qu'avant, je sais que j'étais un gros série-bord. Ouais. J'ai même une application pour suivre toutes les séries. J'ai eu une période, j'étais à 15 séries par semaine. Ah oui, c'est pas dégueulasse. Énorme, tu vois. Et 15 séries par semaine, c'est-à-dire que je regardais, parce qu'il y avait un épisode de chaque série qui sortait par semaine, et un jour, tu vois, du lundi au dimanche. Ouais, donc, ouais. Et donc certains même, t'avais 2-3 épisodes certains jours, quoi. Mm-hmm. Donc je les mangeais au fur et à mesure. Mais là, justement, t'as tellement accès à ça que ça devient n'importe quoi. Alors après, à la place de regarder un film, je regardais plutôt une série, ça me prenait le même temps, quoi. Tu regardes 3 épisodes d'une série, ça te fait le temps d'un film. Mais je veux dire que quand on binge-watch comme ça, quand je mate une série dans le week-end, ça a tellement peu d'impact sur moi finalement que 2 semaines après j'ai oublié que j'ai regardé, quoi. Ouais. Alors qu'une série comme Game of Thrones qui nous tient la laine pendant 6 semaines, 7 semaines, ça, j'ai aussi cette sensation que ça a duré 5 semaines, 6 semaines. Et puis tu l'as fait vivre parce que... Et du coup, elle reste plus ancrée, quoi, dans mon esprit. Parce que tu l'as fait vivre aussi dans ton quotidien. C'est ce que j'ai remarqué. Avec Game of Thrones, on n'avait pas le choix. On attendait épisode après épisode. Et en attendant que l'autre sorte, t'en parlais avec tes potes, tes amis qui le regardaient aussi. Et voilà, tu t'es mis tes théories. Parce que dans Game of Thrones, t'avais plein de secrets et tout ça. Donc t'es mis tes théories. Saison 6. Il y a quoi? Il y a 7 8. Et c'est là que tu l'as fait vivre, justement, parce que t'en parles avec des amis, sur les réseaux sociaux, il y a des sujets, tout ça. Du coup, finalement, ton implication dure plus longtemps que l'épisode lui-même. Ouais, du coup, c'est ça. Ouais. Et c'est ce qu'ils cherchaient. Mais d'ailleurs, c'est pour ça que The Expanse est sorti cette saison-là, épisode par épisode, parce qu'ils se sont rendus compte que la série en elle-même vivait moins, entre guillemets, au-delà du simple épisode. Mais moi, j'ai préféré la saison 5. Peut-être parce que ça aussi, parce que j'avais le temps de revivre un peu l'épisode d'avant pendant une semaine avant de découvrir l'autre et que du coup j'avais des attentes, donc j'étais plus impliqué, donc j'avais encore plus envie de le voir. Carrément. En cas, je l'ai bouffé un week-end, Je te rejoins parce que rappelle-toi quand il est sorti, j'étais là, il y a que 3 épisodes, c'est quoi le délire, parce que les autres saisons on a eu tout d'un coup. Mmh. Et finalement, c'était cool parce que on pouvait en parler par exemple tous les deux quand un épisode sortit, j'ai dit non, c'est quoi ce délire. Et du coup, c'était vraiment une excellente saison. Franchement, elle est énorme. Et du coup, tu fais vivre l'épisode au-delà du simple temps de diffusion, parce que tu en parles et tout, et c'est plus intéressant. Et là, ça appartient à chacun après de choisir comment on regarde le contenu. Mais c'est dur de pas. Quand l'épisode est là, c'est dur de dire j'attends jusqu'à la semaine prochaine. En fait, moi, je parlais pas du tout de la même chose que vous au début. Mmh. Parce que moi, ce que je fais, c'est que j'attends que toute la série soit finie. Ah ouais, d'accord. Le mec attend 10 ans que la série soit finie. Et après, Game of Thrones, je la regarde en 2 mois, mais je regarde en 2 ou 3 mois peut-être plus, je sais pas, mais je prends le temps de regarder. Mais par contre, je veux que tout soit d'affilée. Je veux pas attendre entre les saisons. Moi. Ouais. D'accord, tu veux pas. Ok, Messieurs, je suis désolé, on va devoir couper court. Ça fait déjà 44 minutes qu'on est là et on a encore une dernière chronique à écouter. La valeur ajoutée de la culture, c'est cette fois l'industrie automobile. Nous traversons un désastre. Traversons un désastre, Nicolas. C'était notre ministre de la culture, Roselyne Bachelot. Vous avez tous reconnu, évidemment. Magnifique. Sébastien, tu voulais parler de musique d'un album, tu nous disais. Ouais, je vais vous parler d'un album et d'un groupe en particulier, un groupe français qui nous vient de Poitiers, qui joue du rock metal progressif, et on va parler de leur album qui s'appelle Le Grand Voyage. Et donc le groupe, tu nous as dit le groupe? Le groupe, il s'appelle Clone, avec un K. K-L-O-N. N-E. Comme Ku Klux Klan. Comme si tu veux. Oui, pourquoi pas. Si c'est ta référence, Michente, je te la laisse. Donc, Clone. Oui. Donc, Clone, c'est un groupe de Poitiers qui a été formé en 95. Bon, ils ont commencé sous le nom So What, mais ils ont vite changé en 99. Et ils démarrent dans un style plutôt groove metal, ils ont une période metal et tout ça, et puis ils finissent par s'installer dans un style vraiment rock metal progressif qui lui réussit fortement. Mmh. Et bon, ça fait 25 ans qu'ils existent, ils ont eu un changement de line-up, enfin de membres, ça n'a pas arrêté. Je ne vous ferai pas le détail parce que même moi, je n'ai pas compris. Ce qui se passe. Ça vient de ça. Je sais qu'il y a un noyau dur, le chanteur et les deux guitaristes. D'accord. Voilà. Et mais après les autres membres, j'ai pas tout saisi. Bon voilà. Et ben là en 2019, ils nous ont sorti une belle galette, un bel album qui s'appelle Le Grand Voyage. Et on va parler de cet album concrètement. Mm-hmm. Et donc il sort en septembre 2019. Et c'est un gros tournant pour Clone parce que ils l'ont signé sur un label anglais qui s'appelle Cascope et c'est le seul groupe français qui a sur ce label. Et ça va être vraiment un tournant parce que le son qu'il va y avoir sur cet album va faire la différence, mais c'est notable. Ce label Cascope, il faut en parler deux minutes quand même, parce que c'est un label indépendant anglais et qui est orienté sur la scène progressive contemporaine et qui signe des groupes de progressifs qui sont connus, comme Porcupine Tree, par exemple, si vous connaissez, ou Tesseract, par exemple. Voilà, ou alors, il y a aussi le projet solo du chanteur de Porcupine Tree, Steven Wilson. Voilà. D'accord. Quand tu écoutes cet album de Clone, t'entends, si tu connais Porcupine Tree, par exemple... Mm-hmm. J'avoue, je connais que des noms. D'accord, bon, eh ben, tu reconnais le son. D'accord. Tu reconnais le son du rock, metal progressif, et c'est... comme une signature, quoi. D'accord. Et c'est impressionnant. Et là, tu l'entends. Enfin, moi, quand je l'ai entendu, je fais... c'est merci Spotify qui me l'a fait découvrir. Justement, j'écoutais Porcupine ou quoi, et puis il te fait des propositions. Et là, je fais « Waouh, c'est quoi ce truc ?» Et puis là, je découvre c'est français et tout. Je fais « C'est la balle, quoi. » Oui, parce qu'il chante en anglais, quand même. Et ouais, il chante en anglais. Voilà, il chante en anglais. Donc, voilà, je ne vais pas vous proposer une analyse de l'album titre par titre, parce que ça a été fait et refait. Vous trouverez des articles sur Internet. Mais moi, ce qui m'intéresse, en fait, quand j'écoute de la musique, je découvre un album, c'est les émotions que ça suscite. Et... si ça me donne une envie de reviens-y, de réécouter les morceaux, de réécouter l'album. Ce que vous entendez, c'est en fait simplement. Je sais pas si on va entendre. On a un chien à côté qui est en train de boire un peu bruyamment. Voilà. Voilà. Voilà, je sais pas si les auditeurs vont l'entendre, mais bon, dans le doute. Voilà. Voilà, c'est une petite ambiance de studio, quoi. Ouais, c'est ça, il nous met l'ambiance, c'est ça, carrément. Les petits chiens. Donc voilà, donc moi je vais vous parler de cet album parce qu'il m'a fait kiffer, il m'a donné un goût de reviens-y et donc je l'ai trouvé vraiment génial, j'ai eu un coup de foudre, je l'ai écouté pendant des mois et des mois, j'en ai parlé à tout mon entourage, d'ailleurs ma team peut... Oui, moi je l'ai connu grâce à toi. Hein. Voilà, je peux le confirmer, j'ai même réussi à faire aimer cet album et ce groupe à une amie dont c'est pas du tout le genre musical quoi, et elle s'est mise à kiffer. Donc voilà, et voilà, cet album... Il porte bien son nom, il s'appelle Grand Voyage et il vous fait voyager. Du début à la fin, on part. C'est. Comment dire ? Il y a tout dedans, tout ce que j'aime. Il y a de la puissance, mais pas à te marteler la tronche. Voilà, c'est une force tranquille. Et il t'amène et te berce presque, je dirais, cet album. Il y a de la finesse, il y a des sons, il y a des mélodies, il y a des textes qui sont vraiment canons. Moi j'adore, y a la voix magnifique. Voilà, une magnifique voix. Il y a des sons de gratte. J'aime particulièrement son mixage à la voix qui est sublime. Ah non, mais le mixage est juste phénoménal. Et c'est mixé par un Français. Ah ouais ? Ouais, dans un studio français du côté de Paris. D'accord. Je me suis renseigné. Parce que j'avais entendu dire qu'il a été mixé par justement le producteur de Porcupine Tree. Non, c'est pas du tout le cas. Il a été enregistré et mixé dans un studio De la région parisienne, si je veux pas dire de bêtises. Et pour avoir vu le live au Hellfest, bon, j'y étais pas, mais vu le live, il a aussi une voix qui sature facilement et qui maîtrise extrêmement bien. Ouais. Ce qu'on voit très très peu sur l'album. Ouais. Mais en live, il envoie quand même. Sur les albums précédents, on l'entend vachement plus. Ouais, voilà. Mais il maîtrise quand même assez incroyablement sa voix. Ouais, ouais, ouais, ouais, elle est canon. Et alors, du coup, ouais, t'as des belles grades, des bons sons de grades, des bons riffs. Ça fait un peu shoegaze pour le coup, comme t'as la fait un peu comme Léon. Ouais, ouais, ce petit côté un peu planant. C'est vrai, voilà. Sur et qui est vraiment canon. Ouais. Voilà, t'as. Sur cet extrait, oui. Ouais. Voilà, t'as une basse d'une finesse. Oh, j'adore sa pose tranquille. Ils ont aussi un gars au sample et qui fait du saxophone. Et là, le petit sax qu'on n'attendait pas, franchement, sur le morceau, vous allez voir, c'est juste. Canon. Voilà, et tout ça est soutenu par des super parties de batterie qui amènent de la dynamique qu'il faut. Break de la mort qui tue là. Ouais. Ah, il est bon. Ah oui, puis le son est excellent. Et là, pour la batterie, là, pour le coup, petite dédicace, c'est en batteur, il fallait que j'en parle. Merci Morgan Berthet, c'est juste le top 10 des meilleurs batteurs français actuellement et qui a fait les prises de batterie en studio pour cet album. Okay. Il a été membre apparemment, mais c'était antérieur à cet album. Et bon voilà, il a une superbe actualité, c'est un très très très très bon batteur, comme je dis. Donc voilà, c'était canon. Donc voilà, cet album, tu l'écoutes, enfin moi je l'écoute, il me donne envie de danser, de bouger, de fredonner, voire chanter si je me sens pousser les ailes. C'est juste canon quoi. Et bref, moi je vous donne, si je pouvais vous inviter à aller l'écouter, je pense que... Ouais. Vous allez vous régaler. Il est très facilement trouvable. Il est entier sur YouTube, mis par le groupe lui-même. Je crois que pour la première chanson, il y a un clip avec. Il y a deux ou trois clips déjà qui sont sortis. Ouais, voilà. Et ouais, moi j'ai découvert ça donc il y a un peu moins de 2 ans avec toi. J'ai commencé à vraiment l'écouter il y a quelques mois et j'avoue que c'est très vite devenu un de mes albums préférés de l'année quoi. Ouais. C'est vraiment hyper. C'est étrangement très énergique et très apaisant. Ah, et très tranquille, ouais. Est-ce que ça peut me plaire ? J'en sais rien. Je pense que oui. Ah oui ? Je pense que ça pourrait te plaire. En faisant un peu l'effort de rentrer dans le oui, truc. Oui. Parce qu'après, voilà, c'est du progressif, du post. Enfin, je connais pas le terme exact. C'est du progressif. Progressif. C'est du progressif. Ouais, c'est un truc qu'il faut quand même rentrer dedans. C'est souvent des chansons assez longues. Ils prennent le temps de faire les choses, quoi. Bah, le premier morceau, pour donner un exemple, c'est l'entrée en matière de l'album. Il fait plus de 7 minutes. Voilà. Mais après, par contre, tu les vois pas passer, quoi. Oui, moi, ça me dérange pas le temps, mais faut voir ce qu'il y a dedans. Ouais. C'est toujours pareil. Et c'est un album que tu peux autant l'écouter. Il est génial à écouter du début à la fin, comme ça. Mais tu peux écouter juste des morceaux. Par contre, je l'ai essayé en shuffle. Je sais pas si c'est à force de l'avoir écouté en entier du début à la fin. Je l'ai essayé en aléatoire et j'accroche plus pareil parce que j'attends tellement la suite de ce morceau suivant que là. C'est vrai qu'il est quand même très bien construit et que il est fait pour être dans la continuité. Voilà, le début est vraiment un début, la fin est vraiment une fin. Ouais. Quoi. Voilà. Ce qu'on disait sur les vinyles sur la dernière émission. Exactement. Ouais. C'est pourquoi j'aimais bien les vinyles. Voilà. Donc voilà, tu as un album construit, pensé pour vraiment être écouté du début à la fin. Il existe en vinyle ? Ça m'étonnerait pas, ça. Il me semble qu'il est sorti en vinyle. Ça m'étonnerait pas. Ben, voilà. Beau cadeau qu'on pourrait me faire. S'il y en a qui veulent me l'offrir, pas de soucis. Serait-ce un message. Voilà. Messieurs, dames, les auditeurs, pour Michel Théry-Barré, un petit vinyle de clone avec un K. Le Grand Voyage. On s'écoute un extrait ? Allez. L'extrait, c'est quoi ? Comment s'appelle la... Keystone. Keystone. Keystone par Clone, c'était donc ta chronique, Seb. J'adore ce fin de morceau, c'est ouais. Génial. Seb, pardon, Michette, t'accroches pas. Moi j'aime aussi, mais c'est pas le genre de musique que j'écoute. Mais bon, écouter tout l'album, peut-être que tout l'album me plaira. Peut-être, on ne sait ouais, pas. Ouais, essaye. Je remercie messieurs d'être venus, donc Sébastien Patsnogas qui nous a présenté Clone avec un K. Avec plaisir, merci. Et Michette qui nous a parlé, tu nous rappelles encore une dernière fois le nom du livre ? Pensée provoque et volute. Pensée provoque et volute, j'espère donc vous voir ici une prochaine fois. J'espère que vous avez apprécié cette petite heure passée à ma compagnie. Bien sûr. Ouais, c'était super, merci. Et j'espère que vous aussi, les auditeurs, vous avez apprécié cette petite heure passée à notre compagnie. On se retrouve la semaine prochaine pour continuer nos chroniques apparemment non essentielles.